réservé après quelques petits verres. Chaud patate sort avant cet hiver. J'suis pas du sucre, pas du totalement à jeun. Comptez à pas, je vois qu'ils veulent me faire. C'est ce qui tape, tape, je coffre les machins. M'achète pas, foiré, m'achète pas. Check. On est plein, nous, à vouloir sortir de la misère. Mais dis-moi, combien on réussit, combien on dû s'y faire pour les grands de la Tessie et les petits frères. Combien on niquait leur vie après quelques petits verres. Le projet chaud patate sort avant cet hiver. Je fais pas du sort rabat, je suis totalement agent. Y'a les condés à patte, je les vois qui veulent me faire. Je me vais ski tac tac, j'ai coffré les machins. On m'achète pas, ton pote est space, donc n'a qui millier. Ils veulent savoir en chèque cas, combien j'ai signé. C'est réel mon pote, la rue, la vraie, c'est crapule. Dedans t'y trouveras la ruse à l'état pur. Les maniaques de l'illicite, les manipulateurs. Ceux qui ramènent la pure et aussi les tapeurs. Et y'a l'ancien qui dit que le terrain lui appartenait. Mais les petits jeunes sont prêts à tout pour pouvoir tartiner. Plus de la moitié ont trop gardé Al Patch. T'as ceux qui se butent et ceux qui se butent au côté match. Dans les histoires de potes, c'est soit l'argent ou soit une meuf mémé. Et puis des fois ça finit mal avec le neuf mêlé. À côté de ça, les refs militent à fond. J'aurais kiffé finir baveux à défaut de big raveur. Et puis chez con, veux nous voir chez coup. J'ai pas connu l'échec ni le succès, même pas une petite saveur. Ils diront Joe, j'pense pas que ça fera long feu. Mais ça fait déjà 10 piges que c'est du sale qu'on fait, ouais. Celle-là c'est pour mes faits, nos supporters. J'envoie des boulets et les chicots sont par terre. On pense qu'à investir, se divertir, se dégoûter. Quand ça parle de se repentir, bah on évite d'écouter. Les tirs d'autrui n'est jamais une valeur sûre. Multiplie les accès, ce qui fait de toi un grand monsieur. C'est des conseils mon pote, c'est ce que je pourrais pas agir à ta place. Et si tu te manges un coup de croche, je pourrais pas te mettre de carapace. Y'a même des mecs qui marchent avec des mecs pour la sécurité. Un truc de ouf, c'est tout par intérêt et rien pour l'unité. Et les bécanes on en raffole depuis môme. On bosse tout seul ou au pire des camps en binôme. Prépare-toi pour la guerre, faut des armes et du cash de côté. Mes belles qu'à pas être fichesse. Ils aiment tant mes métaphores, mais ils souhaiteraient me mettre à terre. Mais je suis en forme et je comprends pas, j'envoie direct, ils se mettent à fuir. Ils aiment tant mes métaphores, mais ils souhaiteraient me mettre à terre. Mais je suis en forme et je comprends pas, j'envoie direct, ils se mettent à fuir. Ils diront Joe, je pense pas que ça fera long feu, mais ça fait déjà 10 piges que c'est du sale qu'on fait, ouais. Celle-là c'est pour mes faits, nos supporters. J'envoie des boulets et les chicots sont par terre. Ils diront Joe le fait, non, je pense pas que ça fera long feu, mais ça fait déjà 10 piges que c'est du sale qu'on fait, ouais. Celle-là c'est pour mes faits, nos supporters. J'envoie des boulets et les chicots sont par terre.